Archivé, moi j'aime bien qu'on Ouais. commence un peu différemment. À chaque fois, on commence différemment T'es fait, t'es ton fait, t'es émission fait. tout simplement sans play sur ma radio tous les lundis soirs. Qui a été déplacé au mardi soir ce soir? Bah C'est comme écoute, ça c'est aussi arrive. Hein. voilà. C'est les aléas du direct et j'ai envie de dire les aléas de la radio Et parce de que la vie, tout et de simplement. la Hein? vie. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi cette radio. C'est parce que c'est un peu tout et n'importe quoi. Et là, moi j'ai envie de dire c'est n'importe quoi. C'est ton annonce, Guillaume. Ce soir, à 19h, Guillaume nous fait redécouvrir la musique avec son émission Tout simplement Samplé. Bon, alors bien sûr, ain't no sample, ain't original baby, it is original baby. Et évidemment, ce que vous avez entendu, ça n'a pas lieu d'être parce que c'est pas à 19h, c'est maintenant tout de Et c'est suite. maintenant tout de suite, ouais. Voilà, À c'est pas 18h. 18h, On s'en fout heure de l'horaire. avancée, on s'en Nous, c'est fout. l'émission qui fuck les droits d'auteur et fuck l'horaire. Et fuck les décalages Les horaires décalages aussi, hein, et horaires. les jet lags, et puis les fuseaux horaires, j'ai On envie peut de dire que dire. c'est une émission de jet lag. C'est C'est une émission simplement de jet sampler, jet lag, lag. voilà, on est d'accord. Bon, on va commencer par un petit truc, voilà. Les hasards, hein, Un depuis petit cette truc, voilà, émission, un petit voilà. truc, voilà. T'es chez toi, j'écoute une compile, tranquille, pépère, je suis chez moi, il y a des Ouais, amis qui sont là, etc. ouais. Je laisse tourner une compile de disco, ce qui m'arrive extrêmement rarement. Parce que D'accord, je suis tu pas un t'es. grand fan du disco. D'accord. Mais bon, je laisse tomber cette compile Ouais. et je tombe là-dessus. Donc là, on écoute Incroyable. Vernon Dutch, Get Up. Vous allez Allez, tout de on suite comprendre écoute. pourquoi. On écoute. Tout de suite. Alors, on va juste. Ah, ouais. Pourquoi là? Voilà. Hein? Et là, j'ai arrêté la Toujours, compile. voilà. Je me suis dit, putain, c'est de la C'est vieille vraiment merde. de la merde ce truc. Ouais. On va réessayer, hein, on réessaye. Ça me dit quelque chose, ça? Ça dit quelque chose, toi? Non, je Bah sais non, mais pas. Un qu'est-ce que titre c'est? qui est sorti au début des années 90 90? Ben oui, ben... avec une rouquine. Eh, tout à fait, avec un Ouais. Ouachi au Un platine. Ouachi au Et platine. Q-Tip au rap. Ah oui, c'était Q-Tip au C'est rap. Q-Tip au rap. D'accord. Et non, mais parce que dans une précédente émission, on avait parlé de Herbie Hancock, la tin, ta, da, da, da, da, da, qui avait samplé et tout. Ouais. Et là, je tombe là-dessus, je pensais que c'était deux, mais non. En fait, non, ils ont tout samplé finalement. Tout le Tout samplé, morceau, voilà. le morceau c'est un. C'est Ouais, basé sur deux samples. C'est deux samples. Bah écoute, Voilà. en tout cas, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Tu veux qu'on se Delight. réécoute Delight un coup? Un petit Bon, allez, coup, un mais petit on coup. la connaît par cœur, mais Mais on va un tout s'écouter petit un coup, tout juste petit ça. coup Delight. Hein. Ah, moi, ce que je préfère, c'est le. Griffon. Bon, moi je te propose qu'on va pas l'écouter en entier ce titre, hein, Non. parce qu'on le connaît Bon, par alors cœur, maintenant on va par écouter cœur, que 20 par secondes. cœur. Mais Voilà. t'as raison, Non, on le non. connaît par cœur. On le On le connaît connaît par cœur. super par cœur. Bon. Est-ce que tu as un nom de genre pour cette musique-là? Ça, putain, c'est un peu inqualifiable, hein. Ouais, c'est inqualifiable, il n'y a pas vraiment de. Je cherchais, je me dis, ça se classe dans quel bac ça? Funk disco, non, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est genre comme les Brand New Heavies là? Ouais, C'était. C'était Brand New comment Heavies. ça s'appelait cette Ah, vague-là? acid jazz. Acid Est-ce que jazz? ça préfigure l'acid jazz? Peut-être. Ouais, c'est Mais peut-être c'était un un peu petit ça. avenir. Je sais pas ce qu'ils ont fait derrière Delight, parce que il y a eu que ce titre. Il y a peut-être eu un album derrière, J'ai mais envie de dire One Hit Wonder. Hein. One Hit Wonder. Ouais. Je sais que Towatei, qui était donc le fameux Nwashi qui était derrière les platines, je dis Nwashi, mais je crois qu'il devait être japonais plutôt. Personne à caractère asiatique. Personne à caractère asiatique s'appelait Towatei. Ouais. Lui a sorti un album derrière, bon, qui était totalement dispensable, qui était uniquement de l'Asie. Mais... Ouais, non, c'était dispensable. Mais force est de constater qu'ils ont fait un pur morceau, Ah quoi. bah ouais, bah je pense qu'ils se sont dit, bon bah voilà, ça y est, on a touché le jackpot avec un titre qui est passé en boucle. Et encore aujourd'hui, dans tous les mariages, je pense qu'on peut se l'avoir Ah, celui-là. tout à fait. Ça a bercé nos dance floor. Ouais. Derrière, on va s'écouter un morceau qu'on connaît tous par cœur, mais peut-être pas dans cette version-là. C'est le Comic Strip, évidemment, de Ouais. Barbeau et de Serge Gainsbourg, mais version anglaise. Ah, très bien. Et derrière, on va s'écouter un jeune projet qui est fait. On parlait la dernière fois, tu sais, De de Jay-Z. Jay-Z et de l'album blanc, Grey Grey Album et Album, l'album noir qu'il avait mis en disposition dans ouais. les bacs. Ouais. Et là, en fait, c'est des Français. ouais. qui ont fait un projet qui s'appelle Gigabourg. Mm-hmm. Et en fait, ils ont mixé Gainsbourg. D'accord. Et l'album Black de Jay-Z. Pas mal, pas mal. Voilà. Danger Mouse l'avait fait avec les Beatles. Eux, ils l'ont fait avec Serge Gainsbourg. Donc, ils l'ont fait avec le morceau Comic Strip. Mm-hmm. Moi, plutôt que de mettre le Comic Strip qu'on connaît par cœur, ben, ouais. on va mettre le même la arrangement. La version anglaise. Mais la version anglaise. Et derrière, on... suivi du morceau Change Clothes. D'accord, mais remixé avec pas l'instru qu'on connaît, mais avec l'instru de Comic Strip. Super, on écoute alors. C'est Tipar. Et Q-Tip, tu m'en veux pas, ciao. Hein. Ciao. Q-Tip. Come with me, let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles, let's go. Bang! And zip. Forget your travels and go. Shada! Pa! Blop! Whee! I'm the hero. And when I am fighting, I go bam, and off, and have a ball, so wham, and flam, and zonk, and zap, and also shabba, pow, bloop, whee! Come with me, let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles, let's go bam, and zip. Forget your troubles and go shabba, pow, bloop, whee! If you want to fly above the city, follow me and just like a feather, whoosh, and we'll fly along together. Version cabaret. Version cabaret. Ouais, voilà. Super, moi j'adore. Version cabaret, c'est bien. Hein. Ouais, super. Tu sais comment j'ai pris connaissance de ce projet ? Ouais. Chez toi. Ah bon ? Bah ouais, je lisais un magazine que t'as chez toi. D'accord. Et je vois, oui, des jeunes français ont pris des bandes de Jay-Z pour. D'accord, donc je lis pas assez mes magazines en fait. Je sais pas, non mais moi je suis à l'air. Je les lis mal. Il faut que j'alimente mon émission. Bien sûr, je comprends. Des trucs un peu cocasses, des pépites. Oui. Et celle-là en est une. Ah ouais, elle est super pépite, moi je l'adore celle-là. Tout n'est pas bien dans leur réinterprétation avec Jay-Z. Mais celle-là, je la trouve vraiment très réussie. On écoute encore un bout ? Ah, carrément, ouais. Why you frontin' on me? Let's go to my hotel. This don't go well with those estas. Il est un peu réarrangé ce titre quand même. Hein. Ah oui, il est, ouais, bah, il est réarrangé parce qu'ils n'ont pas juste pris l'instru et pris les voix. Ils ont réarrangé quand même pas mal de trucs derrière. Ils ont édité les voix, ouais. Ils ont pris l'instru et après ils ont mis d'autres sons à eux. Ouais, c'est ça. La prod originale c'était Pharrell, c'était Matthews qui avait produit. Mm-hmm. Et là maintenant c'est eux. Je sais pas comment s'appellent les deux gars en revanche, désolé pour eux. On c'est deux français. Ouais, deux français. D'accord. Et le truc s'appelle Gigabourg. Ça se trouve, vous tapez Gigabourg. Gigabourg avec un G à la fin. Ouais. Mm. Et vous trouverez les trucs en, pour les écouter. D'accord. Bah, voilà. À vos claviers. À vos claviers. Bon, je te rassure, ça ne sera pas une émission que hip-hop. Non, non, non. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Hein, mais c'est vrai que c'est bien de faire de plein de styles différents. Voilà. Mais là, je continue juste un peu dans le hip-hop parce que c'est une histoire super qui m'amuse aussi. Ouais. Je coupe GZ. Ouais. Je coupe GZ. En fait, là, c'est un projet qui avait été orchestré par le Wu-Tang. D'accord. Et bah, par Reza notamment, qui était le producteur du Wu-Tang. Ouais. Et il a appelé les rappeurs de l'underground new-yorkais. Mmh. Donc là, on écoute A$AP Rock. On va écouter un morceau avec A$AP Rock, qui est un mec qui est signé sur le label Def Jux de ELP, pour ceux qui connaissent. Oula. Super label. Ah oui. Mais c'est un label très obscur de hip-hop new-yorkais. Et Del the Funky Homo Sapiens. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ce mec. Et tu sais qui est son frangin ? Non. Ice Cube. Ah bah, tout simplement. Voilà, tout simplement. Tout simplement samplé. Je crois que je le savais, mais bon, voilà. À force de plus parler de lui, donc j'en oublie. Del the Funky Homo Sapiens. Bon, le morceau est pas mal du tout. On peut juste rappeler le titre de Del and the Funky Homo Sapiens, le titre qui l'a rendu célèbre, qui s'appelait... Ah là, ça, je m'en souviens pas. On va chercher, je vais juste le retrouver juste après, je te le dirai. Et là, on va s'écouter donc le morceau Preservation. Mm-hmm. Et vous écoutez le piano. D'accord. Et après, on écoutera. Pourquoi on écoute ça ? Parce que derrière, c'est le sample est énorme. D'accord. Voilà, hein. Alors, on écoute. Allez, c'est parti. Preservation, A$AP Rock. A$AP Rock. Qui est un très... que j'aime beaucoup. Ah, oui, d'accord, bien sûr. Hein. Oh oui, c'était la fin de l'autre. Yeah. Rift flat. Weatherman. Hieroglyphics. Okay. Rift rap alley when I boom slang. Drip drop. Venom with a new twang. Same swagger, new fang. Who's gang stagger with similar dirty worms who occasionally cluster up the surface and observe. AR periscope. Bash through the terror dome, zoom on a shark attack, clash till the thrill is gone. Bark back fresh off the pharmacy counter downer pop. Blame it on the overly aggy farming of power crops. Dark wing when a pioneer gear cropping the odds with all the proper sprockets and cogs. A bounce with a set of sims equipped with a foul shell moment, waiting for that great celebrity towel throwing. And you niggas know what time is. Preservation, the National Guard is me and ASAP. Rock stopping any operations against the fence. Della's quick to dispense with foreign elements that gather and contribute to the decay. Straps will blaze, map your brute, cause ASAP is absolute. Del, he practice shoot, basket hoops, capture food with lasso loops. Hip-hop needs two veterans such as us who ain't never scared to tear a beard. Off the terrorist, tearing is aware of it. Bon, là on est quand même dans un morceau bien obscur de hip-hop new-yorkais. Hein. Ouais, ouais. Bon. Et j'ai retrouvé le nom du titre qui a fait connaître. De Del, ouais. De Del, Mr. Dabalina. Mr. Dabalina. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Excellent, voilà. Excellent titre. Bon, alors, donc là on est dans le hip-hop obscur new-yorkais, machin, ouais, etc. Mm. Et on va écouter tout de suite qui jouait, enfin dans quel morceau il y avait ce petit piano. Vous entendez derrière. Ouais. On l'écoute ? On l'écoute. Je vous promets, on va pas l'écouter longtemps ce morceau. Ouais. Mais c'est drôle. Ouais. Allez, on l'écoute tout de suite. L'ombre est en son manteau. Est encore et déjà bien plus chaud. Et je vois dans tes yeux une larme en aveu. Mike Brandt. On en apprend tous les jours. On s'arrête sur Mike Brandt deux secondes. Ouais, arrêtons-nous sur Mike Brandt. Qu'on a suspecté d'être agent du Mossad quand même. Ah, c'est vrai. Ah oui, oui. Ah oui, oui, d'accord. Mike Brandt, ouais, bon, qui s'est défenestré, laton poussé, qui deux s'est défenestré deux fois, ouais. Laton poussé, ouais. On n'en sait rien, mais ouais. Suspecté d'être agent du Mossad. Hein. Bon. Un grand déprimé. Un peu un devers de la chanson française. Un devers de la chanson française, voilà. Sauf que en même temps, A$AP Rock a eu l'intelligence de le sampler, qui est plutôt pas mal. Ah, ça, c'est grand. Mais en même temps, ils ne semblent pas beaucoup. Ils semblent juste 3-4 notes. Oui, mais, non, mais ça veut dire qu'ils ont pris connaissance de Mike Brandt. Ah ouais, c'est ça qui est assez rien qu'en ce sens-là, c'est énorme. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. C'est clair. Non, mais... Et donc là, évidemment, Michel Vedette s'excite. Voilà, il est comme un dingue. C'est normal, on parle de ma tante. Bon, l'émission, là, on est reparti derrière sur le sample. Ouais. Là, derrière, on va s'écouter un grand monsieur des claviers, ouais. Herbie Hancock. Mm-hmm. Ça, c'est sur son projet Headhunters, qui était son groupe. Une fois qu'il a quitté le groupe de Miles Davis, il a créé Headhunters, qui est une sorte de funk rock. Alors, sur lequel il y a des morceaux mythiques. Hein. Il est sorti un album. Le morceau que j'ai derrière est mythique. Voilà, plusieurs, je crois. Oui, il y en a eu 3-4. En tout cas, moi, je connais un album, un des plus, plus connus. Le premier qui s'appelle Headhunters. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et où tu les vois en dessin sur la pochette. C'est ce qu'on va écouter. Qui est, pour moi, un des meilleurs albums de funk qui existent. Et ton vœu est exaucé. Puisqu'on va s'écouter Caméléon, qui était un des morceaux les plus connus et le plus emblématique. D'accord. De ce premier album de Headhunters. Ouais. C'est normal, non mais c'est normal. Tout va on va se l'écouter. Et derrière, c'est Beck qui l'a samplé pour un morceau au titre prémonitoire, mais Cell Phone Dead. Bon, Beck, j'en précise, qui est fait partie de l'Église de Scientologie. Hein. Ah bon, ce qui n'est pas le cas de ma radio, on verse rien à l'Église de Scientologie. Du tout. Non, ça c'est clair. Complètement apolitique, sans religion, je ne sais plus comment on dit, sans religion. Bref, on est tout ça, nous n'avons aucun signe. C'est une radio laïque. C'est une radio laïque, comme la République. La République est laïque. Bon, on va s'écouter Caméléon, qui est un pur morceau d'Herbie Hancock, on s'en écoute un tout petit peu. Et derrière, on s'écoute Cell Phones Dead de Beck. A tout de suite. Oh yeah. And I threw it away. Been a long time since the federal dime made a jukebox sound like a mirror of mine. To calm my worries, fix my thoughts, fool my hopes like a juggernaut walks. Now let down souls can't feel the rhythm. Sorry entertainers like aerobics victims. Hybrid people light a wooden matchstick. Toxic fumes in the burning plastic. Beats are broken, bones are spastic. Robots talking with a southern accent. Voodoo curses, Bible tongues. Voices coming from the mangled lungs. Need some grit, some get down shit. Don't need a good reason to let in if you're real. Radio's cold, so is my acting. All the damage felt like a laser manifesto make a mannequin melt. I was phoning in like it's unlimited minutes. Going through the motions just to sing it a bit. Treadmills running underneath their feet. So you feel like you're going somewhere, but they're not. So let's put boots on the warehouse floor. Coming to you like a rope on the chain store. Throwing equipment from a moving van. Grab a microphone like a utility man. Now fix the beat. C'était donc Beck. Beck, Cell Phones Dead. Sans plan, les Headhunters. Absolument, Herbie Hancock. Ouais. C'est bon, hein. Ah, c'est super. Hein, il est moi, j'adore. Morceau de Beck. Ah ouais, non, il est super. Je c'est le connaissais. Son dernier album. Ah ouais. Voilà, c'est sur le dernier album. Que j'ai pas vraiment écouté, mais je connais ce morceau et que bah, sur lequel je m'arrêtais parce que je me disais mais merde, putain, mais c'est Herbie Hancock derrière. Gros sample. Voilà, gros sample. Très très bien. Bon, derrière, on va s'écouter une musique de pub. Ah bah oui. Jacques Loussier, pub EDF années 80. Merci. D'accord. Michel Vedette qui était derrière moi et qui m'aide parce que Jacques Loussier, il m'expliquait que c'était un des premiers à revisiter les standards de jazz. Mm-hmm. Non, à revisiter les standards variété française en jazz. En jazz, d'accord. Et en classique. Ouais. Et donc Jacques Loussier a fait la musique qui s'appelait Pulsion, qui était la musique d'un spot EDF et qui a été samplée par Eminem. Ah sauf oui. qu'il ne l'a pas déclaré. Ah bah toujours, on est toujours on est toujours dans les conflits. Non, hein. mais à mon avis, quand Eminem sample un truc américain, par Diamond, etc., il déclare. Mais là, il se dit un truc à français, laisse tomber, machin. Non, non, sauf que le Jacques Loussier, il a entendu ça. Ouais, hein. Il s'est dit, ouais, il lui réclame 10 millions de dollars et il a gagné. Voilà. Et il a gagné. 10 millions de dollars, pas mal, c'est pas beau, mal, hein. Merci. Jacques Loussier, pub EDF, 10 millions de dollars. Merci, ka-ching. Ching. Bon, écoute, c'est un appel au sample, cette chanson, en tous les cas. On écoute Jacques Loussier, Pulsion, pub EDF, et derrière, on s'écoute Eminem avec Kill You. Try to change it, cause that's just the way she was. They said I can't rap about being broke no more. They say I can't rap about coke no more. Slut, you think I won't choke no whore till the vocal cords don't work in her throat no more? These motherfuckers are thinking I'm playing, thinking I'm saying this shit cause I'm thinking it just to be saying it. Put your hands down, bitch, I ain't gonna shoot you. I'ma pull you to this bullet and put it through you. Shut up, slut, you're causing too much chaos. Just bend over and take it like a slut, okay, ma? Oh, now he's raping his own mother, abusing a whore, snorting coke, and we gave him the Rolling Stone cover? You goddamn right, bitch, and I was too late. I'm triple platinum, and tragedies happen in two states. I invented violence, you vile, venomous, vile little bitches, bane, Vicodin, bing, bing, bing! Texas chainsaw, left his brains off, dangling from his neck while his head barely hangs on. Blood, guts, guns, cuts, knives, lies, wives, nuns, sluts. Bitch, I'ma kill you. You don't wanna fuck with me. Girls leave, you ain't nothing but a slut to me. Bitch, I'ma kill you. You ain't got the balls to beef. We ain't gonna never stop beefing. I don't squash the beef. You better kill me. I'ma be another rapper dead for popping off at the mouth with shit I shouldn't have said. But when they kill me, I'm bringing the world with me. Bitches too, you ain't nothing but a girl to me. I said, you don't wanna fuck with Shady. Cause why? Cause Shady will fucking kill you. I said, you don't wanna fuck with Shady. Why? Cause Shady will fucking kill you. You don't fuck with Jacques Loussier. Oui, Jacques Loussier. Mais il m'a réclamé beaucoup d'argent. You don't fuck with Jacques Loussier. Voilà. Jacques Loussier, donc je pense que ça lui a plus rapporté que la pub EDF. Bah oui, oui, hein? Tu m'étonnes 10 millions de dollars. Je pense largement. J'imagine que 10 millions de dollars, c'est pas ce que EDF ont dû payer. Je suis pas sûr. Non, mais peut-être en droit après généré par la diffusion de la pub. Peut-être. Je pense que EDF, enfin en tout cas la boîte, l'agence de pub a dû gérer les droits dès le départ. On dit voilà, on vous file un cachet, c'est tout droit à gérer. Bon, amis américains, si vous samplez Jaco, amis américains, si vous continuez à sampler sans déclarer, vous passez à la caisse. Ça vous passez à la caisse. On va s'écouter un truc pas exactement dans le même genre, mais un truc un peu hybride comme ça. C'est un japonais qui revisitait des titres de classiques, mais vraiment de musique classique. D'accord. Voilà. Et donc là, il revisitait, c'est Tomita qui revisitait Passepied de Claude Debussy. D'accord. Compositeur du début du siècle, enfin du siècle dernier. Siècle dernier, siècle début du siècle. Le grand Claude Debussy. Oui. Et qui a été samplé, là encore, dans du rap, excuse-moi Joaquim. Non, mais je trouve que il n'y a pas de problème, le rap est... Mais c'est pas du rap dur en plus que je balance. Oui, qui s'est beaucoup servi du sample. Donc du sample, voilà. Ça sert ton propos, donc il n'y a pas de problème. Ça sert mon propos. Donc on va s'écouter le passe-pied, qui est très joli, donc une version réinterprétée de Claude Debussy, donc c'est pas du Claude Debussy, évidemment. Mm-hmm. Ami mélomane de classique, etc. Ne soyez pas choqués par l'interprétation asiatique de Claude Debussy. Et pas un rappeur qui s'appelait Méloman? Ah, si, enfin un rappeur. Non, on ne rentre pas dans les débats. La voix du mélo. C'est ça. Toujours plus loin, toujours plus haut. Mélo, méloman. Yeah, on passe le passe-pied, de Tomita. À toute. Samplé par Talib Kweli. Juste après. Read in the Bible, step into this means a thought in your head. It's suicidal, it's the T to the ALI, be the deep Buddha. Rolling with my wonder battle capsule, Chief Buddha. The see through the over specialized, under pressurized, no lie, texturized. MCs who got the masses mesmerized with empty rhetoric, they better quit. Niggas so hollow that they echo like sentiments. Nowadays, rap artists coming half hearted. Commercial like Papa, underground like black markets. Where were you the day hip hop died? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Is it too early to mourn? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Is it too early to mourn? Is it too late to ride? Yeah, cry is chilling, tone is chilling. What more can I say? We stay building and make killings. Take children through the wilderness by the hand. It's a great feeling. Show them how to be a man exactly. Pack trees in my khakis. My sound fat like a knee. While you thin like a Mackie. Come on, shine so bright when I walk by. You gotta squint. Talib Kweli. Est-ce qu'on peut dire que Talib Kweli fait partie de cette vague de Native Tongue? Oui, carrément. Ouais, c'est la nouvelle génération. Ouais, Native Tongue avec les Commandes et Mos Def. D'accord. Ouais, et c'est donc West Coast. Non, East Coast. East Coast, New York. Ah là, c'est New York revendiqué. Brooklyn. Voilà. C'est toutes les mouvances de Brooklyn. Il y a Common qui vient de Brooklyn. Ouais. Mos Def, Talib Kweli. Ils sont après affiliés avec Kanye West et tout ça. D'accord. Et dis-moi, plus trop de nouvelles de Talib Kweli. Ouais. Enfin, plus trop de nouvelles. Il y a des nouvelles, mais pas forcément toujours très bonnes. Ouais. Il a sorti un dernier album qui il y a 2-3 morceaux qui sont vraiment pas mal, mais qui valent pas l'album dont était 13 morceaux, qui était vraiment vraiment terrible. Super. Ça c'est un. C'est on écoute la fin de cet album. Bon hip-hop new-yorkais. Too late. Sidley Taleb Kweli qui s'appelait Tomita. Tomita, qui ouais. s'appelait Tomita. Voilà, donc c'était bien d'aller le chercher. Et ouais, ça fait un morceau très doux comme ça. Ouais, vois, c'est du... un truc pas agressif, mais notamment, enfin c'est souvent le cas hein, pour la native tongue, hein, de toute façon. Tout à fait. Sont pas dans l'agressivité du tout. Hein. Avec des textes, on n'est pas du tout dans le gangsta rap. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. On parle, c'est beaucoup afro-centré. Donc ouais. C'est beaucoup sur les problèmes afro-américains. Exactement. C'est à la fois politique, c'est à la fois. Puis c'est détendu. C'est vraiment du hip-hop conscient, comme on dit. Ouais. Educated hip-hop. Educated hip-hop. Et c'est vrai que la native tongue dont tu parlais tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Tribe Called Quest, ouais. de la Soul, Jungle Brothers, Farside et toute la... Et Consort, qui était un pur mouvement de hip-hop. Voilà. On va passer à autre chose. On a eu des infos. Paraît-il, Tribe ressortirait un album. Ah, écoute, Yogi, ton ami Yogi me parlait d'un maxi qui était sorti de Tribe, qui était soi-disant une reformation. Ouais. Il m'a fait écouter le morceau qui était très bien d'ailleurs, qui est sorti il y a 2 ans, White Label. Et peut-être que Tribe reviendrait. Pour toujours parler de hip-hop, allez sur Dailymotion, regardez la dernière vidéo de Snoop Dogg. Qui est un bijou absolu. Qui est un bijou, notamment qui sample visuellement, en tout cas. Qui est hyper 80s. Ouais, Rick James, enfin toute cette vague-là de la première vague hip-hop, pas hip-hop, mais en tout cas funk, disco-funk. Il y a un peu de Prince aussi. Il y a un peu de Prince. C'est très Snoop, mais il y a un clavier derrière, je crois qu'il y a une guitare, c'est des meufs, c'est un peu comme Sheila E avec Prince, etc. Exactement. Et puis il y a un côté évidemment funkadélique, etc. En tout cas, la vidéo est très vintage. Foncez voir cette vidéo. La vidéo de Snoop, je me souviens plus du titre, c'est le dernier Sensual, titre. Sensual quelque chose. En tout cas, c'est le dernier titre de Snoop. Voilà, donc ça, sur Dailymotion, ça va taper tout de suite. Exactement. Snoop. Bon, et puisqu'on parle des années 80, on parle pas de funk ni de black années 80, mais on parle de Kim Carnes. Ah. Alors, professeur Guillaume ne regorge pas d'anecdotes sur Kim Carnes. Je suis désolé. Kim Carnes, voilà. Non, moi non plus. Elle était blonde. Ouais. Elle avait une voix un peu comme ça, à la Bonnie Tyler. Ouais, Bonnie Tyler, une voix de cassée. Ouais, ou de chanteuse un peu du sud des États-Unis. Voilà, et de fumeuse de Havane. Havane. Ou de non, comment s'appelaient les clubs, les gitanes les sans filtre. Gitanes sans filtre. Là-bas, ça devait pas être ça, non, mais ça devait être autre l'équivalent. Chose. L'équivalent. Au maïs, en tout cas, c'est sûr. Bon, on s'écoute les yeux de Bette Davis Eyes, et derrière, on s'écoute Milo. Qui avait samplé la rythmique de Bette Davis Eyes. On écoute. In My Arms après Milo. Kim Carnes. Yeah, all right. Un bijou chouchou. Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she teased you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice. Until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows. Et non, c'est pas ma radio qui déconne, c'est le titre de Milo. Ouais. Ticket, à tout va. Dis-moi, on peut plus parler d'un remix là, que d'un sample. Exactement. Hein. C'est vraiment le remix de Milo. Après, de... Il sample. C'est là dans cette émission parce qu'il sample. Ouais. Effectivement, c'est un remix. C'est là, il l'affiche clairement. Et, bah, si jamais c'était vraiment un remix, ça s'appellerait Bette Davis Eyes ouais, Remix. Vrai. Mais ouais, bon, il a créé un autre morceau autour de ça. Ouais, In My Arms. Tu as raison. Voilà, écoute. Oui, tu as raison, c'est toi le professeur. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Et lui, il a payé des droits, donc sur oui, ce tout titre, ça est déclaré, tout ça est en bonnet du farm. Bien sûr, Milo est professionnel. Hein. Voilà. Mais il vaut mieux payer un petit peu cher au départ que se faire serrer. Hein. Bah, parce que tu te fais serrer là. Bah, ça te coûte cher. Pas. Bah, oui, et si en plus cher, tu te fais serrer par Jacques Lussier, alors là c'est carrément. 10 millions de dollars. Parce qu'on peut raisonnablement parler de Jacques Lussier comme étant un bandit. Oui, c'est ça. Un bandit manchot. Chicky, chicky. Non, parce qu'on a lui dire, parce qu'il doit pas connaître Eminem, hein, Jacques Lussier. Non. Celui qui m'a samplé, Eminem, oui. Ah bah, il vend des cartons, des canons de disques. Et je te rassure, Eminem ne connaissait pas Jacques Lussier avant lui ça. Lui non plus. Voilà, je pense que maintenant, il se connaît. Enfin, en tout cas, les avocats respectifs. Je pense qu'en tout cas, il le connaissait peut-être pas, mais il s'en souviendra. Il s'en souviendra hein, de Jacques Lussier. Bon, bah voilà, bon, c'était Milo in My Arms qui samplait, remixait effectivement le Bette Davis Eyes de Kim Carnes. Un petit Chaka Khan avec un petit Daft derrière, enfin le Stardust. Sûr, oui, le Stardust, hein, le fameux Stardust. C'est un classique. Ouais. Hein ouais. Bon, ben c'est pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voilà, en tout hein, cas. Pour ceux qui ne sont pas les habitués de simplement sampler, ouais. C'est au tout départ Chaka Khan. C'est parti avec Face. Musique sonne meilleur avec toi. Oh baby. Va savoir ce que ça veut dire. Hein. La musique, la musique sonne mieux avec toi. Mais bien sûr, mais si. Va savoir. Ah ouais, la musique balance. Ah, c'est-à-dire que quand, bah, c'est peut-être ça. C'est quand je suis avec toi, quand j'écoute de la musique, ça sonne mieux. Voilà. C'est tu sais qui chante là? C'est Benjamin Diamond, qui d'accord. Qui a fait des morceaux, oui, etc. Qui a, fait voilà. qui a fait d'ailleurs un premier album qui était pas dégueulasse. Qui était de haute tenue. Ouais, ouais. Et qui a créé un label qui s'appelle Dirty. Label Dirty. Ah ouais, d'accord. Ah oui, et oui, qui je sont vois des compiles. Ouais. Et Dirty Tracks. Et ils sortent des compiles de temps en temps. D'accord. Et Dirty Diamond, ça s'appelle. Ok. Benjamin Diamond, Dirty Diamond. Ah, bon. Pas mal. Voilà, tu vois. Ils sont vendus chez Colette et les endroits autorisés. Eh bien sûr, les endroits habituel qu'on trouve sur le coin de nos rues. De nos rues, hein, en bas, bien sûr. À Colette, en bas, en partout. Hein. En bas de chez moi. Au fin fond de la Creuse, en bas de chez toi, en bas de chez nous. Quoi. Elle est absolument partout. Et donc voilà, ils sortent des compiles qui sont vachement bien. Ça ressort des vieux musiques de films, des vieilles musiques de films. Ouais. Et puis d'autres trucs. On peut dire des vieux musiques de films aussi. Si on mosaque de film. Mon vieux mosaque de film. La vieille mosaque de film. De film, je te dis. De film. Oui. Better with you. Il y en a dans la French Touch, il y en a qui sont très forts pour ce. Tu parles de la touche française. La touche française. Ouais. Ceux qui sont très forts pour le. C'est Phoenix, hein. C'est Phoenix. Ah, oui, t'écoutes les titres de Phoenix, c'est. Ils sont toujours un peu essoufflés quand ils chantent. Ils sont essoufflés, hein. Bah, c'est la même mouvance, hein. Oh, la Funk, sûr, tout ça, c'est Phoenix, Versailles. Hein, Versailles. C'est les pauvres. Ça, c'est les pauvres. Non, pas Daft Punk. On sait. Versailles n'a pas hérité des Daft. C'est Montmartre. Ah, c'est Montmartre. Montmartre. Les Daft viennent de Montmartre. Ah bon. Ouais, ah oui, bon, et Michel Vedette vient de Versailles, vient de Meudon-la-Forêt, vient de un peu partout. Michel Vedette est au centre du monde, il faut le savoir. Donc, et vu qu'il vient tellement du centre du monde que c'est dans l'émission Tout Simplement Samplé, on parle encore de Michel Vedette. Ça déborde. On parle toujours. Le cherche, hein. Jacques Lussier, c'est un peu pour lui. Mike Brandt, c'est un peu pour lui. Ouais, tout ça, c'est tout pour lui. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on écoute après? Parce qu'on découvre autre chose. On écoute un géant du jazz. Parce que j'ai un ami, Benjamin Kling, que je salue, qui doit m'écouter. Qui me dit, Benjamin, quoi déjà? Kling. Qu'on peut dire cling-cling-clinquant. Cling-cling-clinquant. Bon. Hein, et puis il me reproche de ne pas s'émettre de jazz. Ah, oui. Alors j'ai dit, pour le gâter, je vais mettre le. Un des génies du jazz. Bien sûr. Il y a Miles Davis, il y a Coltrane. Mais à la contrebasse, il y avait Mr. Charlie Mingus. Et là, on va s'écouter 2BS, qui était sur son album Mingus, sur Impulse, qui est un bijou absolu, et qui a été samplé par Gangstar. Ouais, fameux gourou. Fameux gourou, Gangstar et DJ Premier. Ouais. DJ Primo, un des meilleurs DJ hip-hop des années 90. C'est vrai. Un bijou. Et ben on s'écoute tout de suite Charlie Mingus en transition, 2BS avec Mr. Mingus et derrière Gangstar avec I'm the Man. Also in the set from Dirty Rotten Scoundrels, we got my man J-Rude the Damager. Yo, tell him why you're the man. I'll tap your jaw. You probably heard it before. Step to the Bentley mic. I prove my word is law. Drugstore with more. Dope rhyme vendor. Not partial to beat the chief ambassador. Niggas get mad cause they can't score. Like a Wild West flick, they wish to shoot up my door. But I incite to riot. Don't even try it. What's up, chumps? So crab kids keep quiet. Like I said before, I tap jaws, snatch whores. Kill suckers in wars because style you said was yours. Money grip, wanna flip, but your fish. House the mic like your hooker and did tricks on a bitch. Dirty rotten scoundrel. And my name is J-Ru. Utilizing my tools in 92. MC step up in mobs to defeat us when we rock knots and got props like Norm Peterson. Lots of fun, lots of fun. Encore un mec qu'on entend de moins en moins, malheureusement. Deux albums sortis par DJ Premier, produits par Premier, qui étaient vraiment des bijoux. Ouais, et Gourou, Gangsta, on l'entend pas trop non plus. malheureusement. Et non, ben maintenant c'est un peu fini. Ouais, c'est un peu fini Gangstar, mais ça a quand même été le duo de choc pour ceux qui ne connaissent pas le rap et qui veulent s'y amener doucement. Oui. Hein, et ben vous achetez n'importe quel Gangstar, en tout cas les premiers, c'est que du bon. Beaucoup de samples de jazz chez DJ Premier. Il y avait trois DJ américains qui samplaient énormément de jazz et qui étaient trois dieux pour moi et pour beaucoup d'ailleurs. DJ Premier, vulgairement appelé Primo. Primo. Yeah. Primo. Marley Marl. Et Mr. Pete Rock. Pete Rock, oui. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est trois purs DJ, etc. Qui samplaient énormément le jazz. Bon, on connaissait Captain Sensible pour What? Ouais. Say what? Avec une super ligne de basse et une petite guitare terrible. Mais ils ont fait un truc beaucoup plus délicat, beaucoup plus enfantin, on va dire. Et qui a ludique. Été ludique. Et qui était super bien repris par Dizzy Rascal. Ouais. Tu vois qui c'est Dizzy Rascal, l'anglais qui rappeur anglais. Anglais, ouais. Et je vous invite tout à l'heure, tu parlais du Snoop, du clip de Snoop. Ouais. Et le clip de Dizzy Rascal est vraiment génial. Une tuerie. C'est vraiment une tuerie. C'est plutôt l'animation. C'est Dreams qu'on écoutera après. On écoutera Dreams. D'accord. Et la vidéo est aussi très très bien. Et voilà, c'est ça. C'est, je voulais parler de ça, qui est vraiment génial. Bon, voilà. Super. On écoute. Captain Sensible, avec Happy Talk. Happy Talk. Et derrière, la réinterprétation et le sample de Monsieur Dizzy Rascal. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est gratuit, it's c'est ma radio. Non, c'est pas ça, chanter autre chose en fait. Chanter Happy House en fait. Rien à voir. À toutes! London, baby. London, England, baby. UK rap. Ouais, I don't give accent, a damn of UK rap. I'm a UK black making UK track. Oula, pas mal, pas mal. C'est Roots Manouva qui serait un peu aussi qui pourrait être le pote de Dizzy Rascal, Rod Swanhoover, un des bons DJ, un des bons rappeurs. Ouais, il y a ça, il y a The Streets aussi. Hein, The Streets, ouais. Mike Skinner. Mike Skinner. Ouais. Il y a Lady Sovereign, tout ça. Enfin, il y a du lourd. Hein. Il y a aussi, comment il s'appelle, Goldtis, là. Non, pas quand. Bon, bref, je retrouverai Goldie le nom. Chain. Goldie Chain. Goldie, voilà. Chain. Goldie Chain. Ouais, ouais, ouais, tout à fait. C'est mignon, ça. Hein. C'est très mignon, mais moi, quand j'écoutais ce truc-là, je me suis dit, mais attends. Je te rappelle qu'on avait un truc de prévu. Mais oui, la semaine tous prochaine. Les deux, la semaine de prochaine, on passe une soirée spéciale Noël. On vous souhaite un Merry Christmas. Et je t'ai dit, voilà, j'aimerais bien qu'on trouve des titres, des samples tout autour du thème de Noël. Et ça nous permet d'en parler. Parce que si je l'avais pas mis, on aurait oublié d'en parler. Bah oui, on a donc oublié. Là on tacle, on en parle, on fait un petit teaser. On fait un petit teaser. Mais on le réécoutera, pas entier, mais on le réécoutera parce que c'est très sympa, c'est très mignon, ouais, c'est frais. C'est très Noël. Et c'est anglais. Ouais. Voilà, c'est anglais. Dizzy Rascal. Dizzy Rascal. Qui samplait Happy Talk de Captain Sensible. Exactement. Bon, là, est-ce qu'on va parler de sample? Oui, oui. Mais c'est une réinterprétation aussi. Mm-hmm. Donc là, on va s'écouter Tenor Show, Ring the Alarm. Ring the Alarm. Ring the Alarm, qui est un vieux Rastaman de Jamaïque, from Jamaica. Yes, man. Et après, ça a été repris par les Fushnikens. Yeah, boy. Qui faisaient du raga. Oh, yeah, boy. Fushnikens. Alors, ce qui est drôle, c'est quand t'écoutes la version originale en reggae, bon, ils n'avaient pas trop de moyens, donc pour faire le ring, le truc de Ring the Alarm, ils le font avec la bouche. Ring. Et puis après, les Fushnikens sont bien espérés. Ouais, bah oui, bien sûr. Bon, hein. J'imagine. On écoute tout de suite. Voilà, c'est parti. Tenor So. Tenor So, Ring the Alarm, suivi de Fushnikens avec le morceau du même nom. Ring trop méconnu, Fushnikens, ouais. Je trouve. Mais en même temps, Fushnikens, un album et puis s'en vont. Ah bon? Moi, je crois, ouais. Oh. Je crois qu'il y a eu deux. Hein. Ring! Oh, ça sonne. Ah oh, bah, ça sonne, bah, va ouvrir, Joaquin. Dancing at any session, rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, I don't wanna stay calm, yo, I'm about to rip this song. When the mic is ripped, my lyrics will spill like bombs in Vietnam. Call me the witty sweet time, anybody need time, minimum around poor skin tea. Cut lyrics, me lick loud, witty tongue, and rhymes, me yum up, witty teeth. This lyrical prophet, you can't stop this. From the West Indies, you can tell I'm a lyrical prophet from the word spoken and broken up indies. Books and scrolls that I unfold, and laws like users make me bolder in. For the gents and nice, some converts, it's all becomes a stumble nation, and I'm not trying to be goal on up, defining calypso. Yeah, but I'm walking, I can't be rude, your thing, this not your fact, this lyrical man, get on and back for the red, the white, and also the black island. Is my land, my place of birth. Only can tell by the tongue that's swung in the lyrical structure, enemy verse. So all MCs don't cross this border. Cause by now, oh no, no, I'm sorta. Liberty wise, but now I despise all you that's out of order. Don't try to test and anyone of this schnicking. Cause I'm not doing it. Lyrical box to beating on the licking. Sing out! You can't face me, and my rhymes you bite and learn. And you'll acknowledge my lyrical substance, just like one bookworm. Chip food then will extend, I'm sure all the youth them. That may big bouch on the roots, got your nibble and in the pen. Cause when I get a mic, all MCs, they do stop yes and hush. And I'm a touch, and I'm a brush, and I'm a push, Nickens. Push, Nickens. Pour ceux qui écoutaient pas, là, ils ont été réveillés. Ring the alarm. Ouais, dommage, un groupe trop méconnu, Push Nickens. Que j'ai beaucoup écouté étant plus jeune. Raga, toujours jeune, mais plus jeune. Voilà. Ouais. Maintenant, il y en a d'autres, comme Buju Benton, tout ça, compris la relève. Exact. Les Fushnikens, Ring the Alarm. Donc, ils samplaient. Bon, ils ont samplé la mélodie, oui, mais ouais. Ils ont aussi samplé la voix de Tenor Show aussi. D'accord. Ring the Alarm. Ouais, ils se sont même pas pris la peine. Ouais, pas pris la peine de rechanter le refrain, non. Mais ils ont intégré une vraie sonnerie. Ouais. Ring the Alarm. Alors que Tenor Show le faisait avec la bouche. Ouais. Voilà. Lui, il osait. Si tu veux continuer reggae un tout petit peu, parce que je sais que Joachim, pour ceux qui connaissent, adore, mais est fan de reggae. Ah bah moi, j'avais des dreadlocks, c'est tant pis. Là, on va s'écouter après Burning and Looting de Bob Marley, qui est un bon morceau de Bob Marley. Il y en a des très bons, moi je suis fan. Ok, ce soir, je balance une vérité. Ok, c'est parti. Ma vérité. Le seul groupe de reggae que j'aime, c'est Toute Scène de Metals. Ok, je t'en ferai écouter d'autres que tu kifferas, parce que les trucs aussi un peu soul, il y a des trucs, mais vraiment fabuleux. D'accord. Plaisir. C'est un autre débat. Ouais. Hein, on va s'écouter Bob Marley, Burning and Looting, qui avait été pris par Mathieu Kassovitz pour le générique de début de La Haine. Ouais. Et qui a été également pris par Monsieur 50 Cents pour son monsieur, pour Window Shopper. 50 centimes. Ouais. Pour Window Shopper. Est-ce qu'il y a. Ouais. On écoute. Burning and Looting. J'allais poser une question, mais en fait, j'ai pas trouvé la fin de la question. Bah après. Wow. Je trouve. Burning and Looting. Facing at me, anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side, the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my gun. They know the kid ain't going for all that bullshit. Try and stick me, I'm a little for full clip. It ain't my fault, you done fucked up your re-up. At the dice game, who told you put a G up? Everybody mad when their paper don't stack right. But when I come around, y'all niggas better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. Nigga, when we rollin', check your block down. Quick to put a hole in the jump. Nigga, when we rollin', baby, you's a window shopper. Mad at me, I think I know why. Nigga, you's a window shopper. In the jewelry store, lookin' at shit you can't buy. Nigga, you's a window shopper. In the dealership, tryna get a test drive. Nigga, you's a window shopper. Mad as fuck. When you see me ride by, niggas love me in LA as soon as I pop in. They come and scoop me up at LAX and I hop in. And when it comes to bad bitches, you know I got them. Some from Long Beach, some from Watts, some from Compton. You know a nigga wanna see how Cali girls freak off. After that 5-hour flight from New York. Devient riche ou en tout cas meurt en essayant. Voilà, exactement. Hein, c'est la pugnacité, la leçon de pugnacité de Monsieur 50 Cent. De 50 Cent. Qui a une pure voix. Sa voix, lui, c'est pas en buvant du whisky, en buvant des gros cigares. Non, c'était en prenant des balles dans la gueule. Voilà, une bastos. Bon, la petite anecdote de 50 Cent. Alors, est-ce que c'est la légende? J'en sais rien. voilà, hein, il se serait pris des bastos un jour pour un règlement de compte à New York. Ouais. Et puis la personne, le croyant mort, lui a jeté une pièce de 50 cents. Voilà, c'est tout ce que tu vaux. Et donc il s'est dit, je vais prendre ma revanche. Ah ouais, je vais m'appeler 50 cents et je vais lui montrer que moi, je vais y arriver. Qui je suis. Je vais lui montrer à ce petit gars. Donc lui, En tout cas, aujourd'hui, il le remercie parce que c'est un peu grâce à lui. Hein, tout à fait. Son nom, ouais. Son succès. Produit son physique. Pas ce morceau-là, mais sinon, c'est sur évidemment le label Aftermath, comme Eminem, le label de Mr. D.R. Et voilà. Mr. Dre. J'ai envie de te dire au revoir, Joachim. C'est triste, mais c'est la dure réalité de la radiophonie. Tout à fait. J'ai envie de te dire au revoir aussi. J'ai envie de te dire merci. Et j'ai envie de te dire excuse-moi encore d'avoir décalé ce rendez-vous d'hier soir à aujourd'hui. Aucun souci. Et en tout cas, on te retrouve plus vite que d'habitude. On te retrouve lundi prochain. Tout à fait. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est bien parce que on te retrouve maintenant. Dans quelques jours, parce qu'avant c'était une semaine, il fallait attendre une semaine, donc 7 jours, là on attend 6 jours. Puis finalement, c'est un cadeau aux auditeurs. Ils se disent, c'est cool. Il n'y a que 6 jours, il n'y a pas 7 jours à attendre. Voilà. Donc vous êtes bien sur ma radio, et tout de suite, maintenant, on va écouter Michel Magic Vedette dans son émission. Et toi, t'écoutes quoi au cinéma? Pas du tout, c'est pas sur celle-là du tout.